19h précise dans les studios de la radio associative indépendante, le journal parlé en français au rendez-vous. Le journal avec Willy Sintaïheoura. Didier Irambona est de l'autre côté. Vitré d'abord les grands titres. Augmentation jusqu'à 5% des cas positifs au Covid-19 dans la capitale économique Bujumbura. Constat fait par la mairie de Bujumbura. Plus dans cette édition. Confusion sémée par le constat des experts du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique sur les constructions anarchiques à démolir, précisément auprès de la route nationale numéro 3. Vous entendrez les doléances des propriétaires de ces constructions dans cette édition. Bienvenue encore, débutons par la page santé. Le maire de Bujumbura constate l'augmentation des cas positifs au Covid-19 jusqu'à 5% selon l'évaluation faite par le ministère de la Santé. Les autorités municipales et celles du ministère ayant en charge la santé demandent aux citoyens de bien respecter les mesures barrières contre ce virus. Sur son compte Twitter, le maire précise que le ministère de la Santé a étendu les installations de dépistage aux arrivées à l'aéroport pour faire face à cette pandémie. Sécurité à présent, une personne qui avoue avoir été parmi les auteurs de l'assassinat d'une mère et sa fille au début de ce mois d'août sur la colline Mugendo Ndengo en commune Mugamba, c'est dans la province Bururi, a été arrêté ce mardi par la police au chef-lieu de la province Gitega. Selon les sources policières, son dossier sera transmis ce mercredi au parquet de Bururi. Zeno Nzambimba en correspondance. Apolline Ndoyezu, connu sous le nom de Loge au domicile dans Sarté Frédéric Nionizigie, où il travaillait comme gardien de vache sur la colline Mugendo Ndengo, commune Mugamba de la province de Bururi, a été arrêté ce mardi au chef-lieu de la province de Gitega par la police œuvrant dans cette capitale politique. Ce jeune est accusé d'être parmi les auteurs de l'assassinat de sa patronne Régine Nionhuru et sa fille Christiane Iteka à leur domicile au début de ce mois. Devant les OPJ à Gitega, Apolline l'a avoué en précisant que ce crime avait été préparé par trois voisins des victimes. L'enfant a été assassiné dimanche le 1er de ce mois, tandis que sa mère a été assassinée le lendemain à l'aide d'une hanche et d'une machette, comme l'a précisé le présumé auteur toujours devant les OPJ. Il fait savoir que lui était chargé de veiller à ce qu'il ne soit pas attrapé pendant le crime et en guise de remerciement, il devrait recevoir une moto. D'autres avaient l'ambition de récupérer toute la richesse de la famille victime, indique toujours la Apolline Ndoyezu. Le PC de Manuel Gaba Dieudonné, commissaire provincial de la police à Bururi, fait savoir que le dossier de ce jeune sera transmis ce mercredi au parquet de Bururi. Vous saurez que 5 autres personnes présumées auteurs de ce crime sont des gendarmes de la police de Mugamba depuis une semaine. Depuis Bururi, Zeno Zambimana pour la RCF Ponecha FM. Merci Zeno Zambimana de Bururi vers la capitale économique Bujumbura. Les habitants de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura, dont les maisons se trouvent tout au long de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge, disent qu'ils ne voient pas comment ils vont mettre en application la mesure de démolir les constructions anarchiques. Ils le disent après le passage des experts du ministère de l'Intérieur pour le constat de ces constructions. Ces habitants indiquent que ces experts ont semé des confusions à travers les mesures qu'ils ont faites, raison pour laquelle ils demandent d'éclaircissement à ce point. Alice Ndaidei. Ces habitants de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura qui ont des maisons construites anarchiquement tout près de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge disent qu'après avoir adressé une lettre au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, les experts de ce ministère ont effectué une descente à cet endroit et ces derniers ont consulté seulement ceux qui avaient des titres fonciers. Il y a des gens qui sont venus du ministère, ils ont pris des mesures, mais ce que nous avions demandé n'a pas été pris en considération. Ils ont pris des mesures pour les parcelles ayant des titres fonciers. Cela nous a étonnés. Nous n'avons pas encore eu le rapport sur la lettre que nous leur avons envoyée. Néanmoins, le ministre continue d'annoncer que c'est 6 mètres que l'on doit respecter. Jusqu'à présent, on n'a pas encore des éclaircissements à propos de cette situation. Ces habitants disent également que ces experts n'ont pas mesuré les 6 mètres exigés par le ministère, mais qu'ils se sont référés à ce titre foncier. Le pourquoi de leur inquiétude. Pour ceux qui ont des titres fonciers, les ingénieurs venus du ministère n'ont pas mesuré les 6 mètres. Ils vérifient juste qu'ils ont des mesures qui correspondent avec leur titre. Nous qui n'avons pas de titre, on n'a pas un mot à dire. Ils nous disaient qu'ils prennent des mesures pour ceux qui possèdent des titres seulement. Nous voudrions demander que les ingénieurs du ministère prennent des mesures pour tout le monde en respectant les 6 mètres et qu'ils nous informent que nous devons détruire nos maisons ou pas. Au moment où il y a encore des croix sur nos murs, on a peur qu'on va nous prendre pour des robbers à l'encontre de la mesure du gouvernement. Nous avons toujours des doutes. À ce sujet, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a prolongé le délai de démolition des maisons construites anarchiquement jusqu'au 31 août 2021. Ces habitants demandent qu'il y ait de la lumière à cette question et au cas échéant d'être indemnisés. Merci Alice Ndaïde. Non loin de là, certains usagers du transport en commun, surtout ceux de la zone Kinindo en commune Moura, se lamentent comme quoi les conducteurs des bus les laissent en cours de route au lieu d'arriver à destination. Les chauffeurs ne nient pas ces faits, mais indiquent qu'ils le font par consentement avec ces passagers. Ceux usagers du transport en commun demandent aux instances habilitées de se pencher sur cette question. Joyce Guilene Manchimwe. Ce sont des lamentations de certains usagers des bus du transport en commun conduisant les passages du parking se trouvant à l'ex-marché central de Bujumbura vers la zone Kinindo dans la commune Emoha. Ces passagers affirment qu'ils prennent des bus en pensant qu'ils vont arriver à la destination, mais se retrouvent surpris qu'on les laisse en cours de route. Ces passagers indiquent qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes lors du transport. Il y a 3 ou 4 bus dans ce parking. Lorsque tu arrives, que c'est le bus menant vers l'avenue de l'Arge à Kivenga, et tu te presses à entrer dans ce bus en pensant qu'on va te faire parvenir à l'arrêt bus communément appelé comme CIC. Mais arrivé sur ce point appelé Kikoros, les conducteurs de ce bus s'arrêtent et demandent aux clients de sortir. Il y a des fois où nous nous retrouvons dans cette situation alors que nous avons avec nous des bagages en main. La route va être longue et tu dois obliger de prendre une moto de 500 francs alors que tu avais déjà payé 400 francs pour le transport. Les conducteurs de ces bus, quant à eux, ne nient pas cela, mais font savoir qu'ils le font avec consentement de ces passagers. Ces passagers demandent à ces conducteurs de changer son genre de comportement et demandent aux instances habilitées de fixer des lieux où les bus doivent parvenir. Cela étant ainsi au moment où Charles Nilameva, président de la Trabou, invite les conducteurs des bus pour le transport en commun de prendre le passager comme dégendre. Il est désormais interdit aux jeunes célibataires employés tous à la banque Bankobu à faire une union par mariage. Dans une note que la direction de cette banque a sortie ce lundi 9 août 2021, précise que les employés qui désireront faire une union par mariage entre eux seront dans l'obligation de se convenir sur celui ou celle qui présentera sa démission à la banque au bout. Cette banque indique qu'elle prend cette mesure pour son bon fonctionnement. Médiatrice Emel Sabi. Dans cette note de service de la Banque Obo, la direction de cette banque annonce que des cas d'union par mariage deviennent de plus en plus nombreux à cette banque et entraînent des conséquences néfastes pour le bon fonctionnement de la Banque Obo, ce qui entraîne des conflits d'intérêts et rapatriement des problèmes familiaux vers la banque, des dysfonctionnements en cas d'événements errés ou malheureux dans des couples, comme ils sont obligés de prendre simultanément des congés de circonstances. La Banque Obo indique qu'il est dans l'obligation de veiller à son bon fonctionnement et de prendre des mesures comme les employés de la Banque Obo qui désireront faire leur union par mariage entre eux seront dans l'obligation de se convenir choisir celui ou celle qui présentera sa démission à la Bankobo. Mais si les intéressés ne parviennent pas à se convenir sur ça, la Bankobo sera obligée de choisir elle-même en tenant compte de l'ancienneté de la banque, des cotations obtenues et surtout les besoins de la banque. Et cette mesure ne concerne pas les couples déjà existants avant la sortie de cette note de service de la Bankobo. Merci, médiatrice. Mais vous savez, la constitution burundaise et le code du travail et du travailleur n'empêchent pas les couples déjà décidés de se marier à fonder leur foyer. C'est l'analyse de Maître David Doussavé suite à la note sortie par la Banque commerciale du Burundi, Bankobo, empêchant ses deux employés futurs mariés à fonder leur foyer. Maître David Doussavé au micro des Fremtide. Cette note a bafoué les libertés des travailleurs de la société en soi parce que la Constitution garantit le respect de la vie privée. L'article 28 de la Constitution de la République du Burundi dispose que toute personne humaine a droit au respect de sa vie privée et de la vie familiale. Dans ce cas-là, si l'employeur dit que pas autorisé de se marier avec ta collègue, c'est-à-dire que la Constitution a été donc violée. Mais en même temps, l'article 29 de la même Constitution de la République du Burundi dispose que la liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Vous comprenez jusque-là que la Bankobo va violer la Constitution. Non seulement ça, l'article 14 du Code du Travail, burundais, le nouveau Code du Travail, dispose que la loi assure pour toute personne ayant les capacités d'occuper un emploi l'égalité de chance et de traitement dans l'emploi et dans le travail sans aucune discrimination directe ou indirecte. Vous comprenez jusque-là que c'est une discrimination à l'égard des travailleurs de la Bankobo. Ces travailleurs sont capables de fournir le travail comme il faut. Ils ont cette capacité, les connaissances. L'article 14 du Code du Travail montre clairement qu'il n'y a aucune raison de faire cette discrimination. Ici, donc, on a bien précisé discrimination directe ou indirecte. En plus de cela, dès l'article 97 jusqu'à l'article 102 du Code des personnes et de la famille burundais montre des empêchements au mariage. Parmi ces empêchements qui sont fournis dans ces articles, il n'y a aucun empêchement au mariage lorsque le garçon ou la fille travaille dans une même société. Pour dire que cette note doit être retirés, du moins je dirais, même ces travailleurs peuvent donc saisir la justice et donc ils peuvent avoir gain de cause. Et les prix des cahiers n'ont pas changé cette année comparativement à l'année passée auprès de l'ex-marché central de Bujumbura. Malgré la mesure du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervé Nirakobucha, de diminuer les prix de location de stands. Les vendeurs du matériel scolaire indiquent qu'ils se réfèrent au prix fixé par la Pacobo, l'usine burundaise qui fabrique ses cahiers. Le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions appelle les jeunes ruraux de se lancer dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le ministre Ezekiel Nibigira a expliqué que c'est pour leur épanouissement et leur autodéveloppement, ils le déclarent à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Le ministre Ezekiel Nibigira rappelle également l'importance de travailler dans les coopératives. 19h14, nous voilà à destination de cette édition. Merci pour l'avoir suivi. Merci à Didier Irambona qui était de l'autre côté vitré. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la RSF Ponech FM. Willy Sindayoura, j'étais à la présentation. Bonne soirée et bonne suite de programme.